3. Les gâteaux. À l'occasion de Noël, il se fait une grande consommation de gâteaux qui, suivant les pays, portent différents noms. Dans les Vosges, on réveillonne surtout avec du vin, de l'eau-de-vie et des coigneux, gâteaux à forme particulière fabriqués exprès pour la fête de Noël. Il est d'usage que les parrains et marraines donnent à leurs filleuls un coigneux à Noël, c'est un acompte sur les étrennes. Le nom français de cette pâtisserie, dit X. Thirian, n'existe pas dans le dictionnaire de l'Académie. Il varie suivant les pays. À Saint-Amé, on dit queugna, à Don Martin, queugno, à Gérardmer, coyeux, à Rambervillers, cogneux. Les Lorrains ont l'habitude de s'entredonner à l'époque de Noël des cognets ou cogneux, espèces de pâtisseries dont les unes figurent deux croissants adossés et dont les autres, plus longues que larges, se terminent également à leurs extrémités par deux croissants. Dans les Flandres, on donne aux enfants le jour de Noël des quenioles ou coignoles ou quenioles, gâteaux de forme oblongue, au creux desquels un enfant Jésus en sucre est mollement couché, piquant une note rose au sein de la pâte dorée. Dans le département du Nord, ces mêmes gâteaux sont connus sous le nom de coquilles. Dans certaines villes, les boulangers et les pâtissiers en offrent à leurs clients, à titre d'étrenne, immédiatement après la messe de minuit. Dans le pays chartrain et en Beauce, on servait au réveillon des coquelins, petites galettes feuilletées ovales ou losangées qui étaient saupoudrées de grains en sucre, rose et blanc. Ils servaient aussi d'étrenne. En Normandie, les indigents se pressent à l'heure du réveillon à la porte des fermes en demandant des aguignettes, étrennes, et chantent en chœur ce vieux couplet « Aguignette, aguignon, coupez-moi un petit cagnon. Si vous ne volez pas le copé, donnez-moi le pain tout entier. » Les aguignettes, tout le monde connaît en Normandie ces galettes feuilletées, ces gâteaux de dessous, cousins germains des cheminots tout chauds et des vieilles nourolles, découpés à l'emporte-pièce et revêtant les formes les plus diverses suivant les caprices du boulanger. Quelle jolie couleur elles vous ont à la sortie du four et comme elles fleurent le bon beurre frais. Elles sont surtout succulentes quand un léger coup de feu leur a donné une teinte d'acajou et qu'elles craquettent. Note Gallica, texte détérioré, reliure défectueuse. Quelles pâtisseries affriolantes que ces aguignettes d'enfants! En Berry, les pains ou gâteaux de Noël étaient de deux sortes, les cornabeux et les nolets. Les cornabeux ou pains aux bœufs étaient confectionnés dans les fermes et on les distribue aux pauvres dans la matinée de Noël. Ces pains sont en forme de corne ou de croissant. À Argenton, à Saint-Gauthier, etc., les cornabeux sont connus sous le nom de holets. Tous les laboureurs de ces contrées donnent aux pauvres le jour de Noël autant d'holets qu'ils possèdent d'animaux de labour, bœufs ou chevaux. Les nolets sont ces petites galettes que fabriquent les boulangers le jour de Noël. On leur donne autant que possible la forme d'un petit Jésus qu'au Moyen-Âge on désignait quelquefois sous le nom de nolet ou nolet pour Noëlet, petit Noël. J'ai ouï chanter le rossignol qui chante toi un chant si nouveau, si gai, si beau, si résonnant. Il m'y rompoit la tête tant il prêchoit et caquetoit. Et donc, prince Mahoulette, pour aller voir Nolet. Tous ces gâteaux n'auraient-ils pas pour origine ces pains de Noël, espèce de redevance payée jadis par les vassaux à leur seigneur? Nous pourrions citer encore une foule d'autres gâteaux que l'on sert à l'occasion des fêtes de Noël et du jour de l'an. En Beauce, les gnioles, espèce d'échaudée, en Normandie, les gnioles, et petites gaufrettes, un peu semblables aux oublis, pâtisseries légères que fabriquait à Rouen la corporation des oublayeurs neuliers. On les voit souvent figurer comme redevances comme les oublis, les cheminots, les fouasses. En Provence, le calando et le nougat que l'on sert ornés de feuilles vertes. En Normandie, les craquelins qu'on appelle bourrettes, avalognes, etc. À ces sortes de gâteaux doit se rapporter le petit pain blanc que chez nos voisins des Amognes, Nièvre, les parrains et les marraines offraient naguère encore aux approches de Noël à leurs filleuls et que l'on connaissait dans ces contrées sous le nom d'apogne cornu. On pourrait encore ranger dans la catégorie des apognes les guilans de Vierzon, cher, dont Raynal parle en ces termes. À Vierzon, pendant quelques jours des environs de Noël, tous les pâtissiers vendent un petit gâteau de forme bizarre qu'on nomme les guilans. Dans notre province, comme en beaucoup d'autres, ajoute Raynal, on donne encore le nom de guilanais, guilaneux, aux aumônes spéciales ou à de certains présents que l'on distribue au premier jour de l'an. Les mots guilanais, guilaneux signifient, dit-on, guilan neuf. En Picardie, il y a quelques années, les cabaretiers offraient la veille de Noël à leurs clients des quignons ou quignots, sorte de tarte aux pommes en forme de croissants allongés. Dans la Flandre flamingante, les gâteaux de Noël se nomment kerskeken et représentent un porc ou un sanglier comme les kungu de Namur. Le réveillon des animaux. Dans un grand nombre de pays, les animaux eux-mêmes font réveillon. En Berry, les animaux de la ferme, à l'issue de la messe de minuit, reçoivent une provende extraordinaire du meilleur fourrage. Il en est ainsi en Lorraine et dans le pays bisontin. Dans un village voisin de Besançon, à Mamirolles, il y a quelques années, un cultivateur qui n'avait aucune religion, avec grande diligence, pour conduire son bétail à l'abreuvoir public, tout au sortir de la messe de minuit. Il fallait, disait-il, que ces animaux eussent la première eau de Noël. Cette habitude superstitieuse a quelque chose de bien poétique et n'est que l'application abusive d'une idée admirable du mystère de Noël. On nous écrit que dans certaines paroisses perdues des montagnes de l'Auvergne, à l'occasion de Noël, tous les animaux participent aux réjouissances communes. Il n'est pas une tourterelle ni un pigeon qui ne fasse réveillon. Le même usage existe en Bretagne. Au retour de la messe de minuit, on donne à tous les animaux une botte du meilleur foin qui se trouve à l'étable. Les paysans bretons, de Bignan au diocèse de Vannes, pensent qu'il est convenable que les animaux eux-mêmes participent à la joie universelle la nuit de Noël en mémoire de la place que Dieu leur assigna, d'après la tradition, dans l'étable de Bethléem au moment de la nativité. En Touraine, dans plusieurs villages, la messe de minuit terminée, chacun regagne sa demeure, mais avant d'aller prendre sa part au gai repas du réveillon, le maître de la maison passe d'abord à l'étable, en souvenir des deux animaux qui, de leur tiède haleine, ont réchauffé les membres tremblants du sauveur enfant, il donne à chacun de ces animaux domestiques une double ration, c'est leur réveillon à eux. Le poète, qui a si bien chanté le réveillon des oiseaux, devait aussi chanter le réveillon des animaux. Il l'a fait sous ce titre gracieux, la gerbe de Noël. Dans les nombreux pays où la sainte croyance vit encore dans le cœur du campagnard heureux, à l'heure où de Jésus l'on chante la naissance, on observe un usage aussi bon que pieux. La venue ici-bas de cet enfant aimable mit en liesse la terre au chant du paradis. De même, le croyant s'en va dans son étable réjouir son bétail, ses agneaux, ses brebis. Il donne à l'âne, au bœuf, une exquise provende, aux chèvres, aux moutons, ou du sucre, ou du sel, car tout être vivant doit, suivant la légende, faire son réveillon dans la nuit de Noël. Comtesse O'Mahony.